ça, c'est-à-dire, j'ai l'impression que vous étiez à la recherche d'un, ce que j'appelle un timing, je ne sais pas comment le dire en français, bien, temporalité, que vous n'avez pas bien trouvé, parce que le morceau était pas mal, mais il y avait un truc qui restait trop bavard, à mon avis, et à la fin, vous l'avez trouvé, mais c'était, ça jouait comme une fin. Bon, c'était à 10 minutes, mais c'est-à-dire qu'à la fin, là, si vous aviez eu ce débit-là, que vous aviez à la fin, tout le long du morceau, ça aurait été, je pense, un truc vraiment super. Avec tout ce que les sons que vous avez fait, et les blocs, là, c'est toi qui envoyais les blocs, hein. Tout ça, c'était bien, mais c'était trop bavard, brouillé. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue. Je suis pas sûr de moi. Voilà. Pas sûr de moi, mais ça aurait pu être plus clair dans les. Parce que c'était des couches. Chacun avait un son quand même. Il n'y avait pas de mélange de sons tellement, à part les voix. Donc c'était très définissable, etc. Et donc du coup, il y a plein de moments où intéressants, quoi. Vraiment, l'instrumentation est vachement intéressante et tout ça. Mais il n'y a pas cette place, quoi. Vous laissez pas les choses exister. C'est dommage. Je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou ouais. C'est vrai que du coup, avec ces indications, ça va vraiment commencer. Eh ben, moi je suis pour. Je suis pour, mais il faut vraiment s'y tenir. Parce que tout à l'heure, quand on l'a fait, vous, en fait, vous n'y êtes pas tenu. Au bout de 2 secondes, on était ailleurs déjà. Donc là, ça serait chouette de. À la limite, vous faites le même morceau, quoi, le même, les mêmes éléments. Mais vraiment prêt, pas, je ne dis pas refaire le même ordre et tout, mais même le cœur de voix à un moment et tout ça, essayer de garder tous ces éléments, mais d'essayer de les faire exister vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en solo, mais presque, je dirais. Presque, il y a des moments vraiment où les choses existent toutes seules. Et ce qui est intéressant, c'est que la harpe, en fait, elle peut exister un peu partout. C'est une sorte de volute qui peut. Peut naviguer quoi, entre tout ça, et, mais il faut que le reste ça soit clair. Voilà, je sais pas. Mais y compris pour la harpe aussi, que le débit soit plus retenu, quoi. Tu vois, plus. On essaye. Mais du coup, c'est moins longtemps. Mais Ouais, bah, je sais pas, entre 5 et 7 minutes, un truc comme ça, pour voir si ça marche. Comment il faut faire de la place pour laisser les choses exister ? Du coup, il y a des choses qu'il faut supprimer, il faut attendre moins jouer. Moi, je pense que c'est. Certains peuvent s'arrêter à certains moments. Ben, que votre débit personnel soit beaucoup plus. Que les événements soient plus rares, voilà, pour chacun. Ouais. Par rapport au morceau précédent. Ouais. Parce que vous êtes 4 et que de toute façon il y en aura des événements. Donc laissez la chance et qu'il y ait des silences. Là il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu à la fin qui étaient super. Les silences de fin, là, les dernières 30 secondes étaient vachement bien. Et, ouais. Et la voix dans le bloc, dans les blocs, c'était bien. Ça marche. Ah, pour le coup, moi je ne comprenais pas. Vous, mais je comprenais pas ce qu'elle disait pendant que. On était deux. Ah ouais, d'accord. Bon. Mais c'est bien, enfin, ça change complètement le statut tout d'un coup de la voix, et ça c'est bien. Puis que ça s'arrête. Ouais. Bon. Ouais, on essaye. 5-7, un truc comme ça.